Exercice 10, page 32. Karine s'était mise à en rêver aussi. Sa sœur et elle passaient des soirées à bavarder dans le noir et à imaginer ce qui les attendait.